Flycase. Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. De ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase. Eh ben c'est 16h, soyez les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Très bon après-midi, c'est le Flycase comme tous les samedis entre 16h et 18h. Les 20 titres indispensables, les 20 titres qu'il faut absolument posséder chez vous. On vous a fait une petite compilation également de toutes vos propositions sur Facebook Flycase. Je vous rappelle, on aura plein de petites nouveautés qu'on est allé puiser d'ailleurs à vous proposer tout à l'heure. Nouveau numéro 1 également, ce sera un peu avant 18h, en attendant 3 entrées et 3 sorties. La sortie de Cut Snake avec Echo, le Snowmace Remix. Bref apparition également dans ce classement pour Damien Lazarus et Ancient Moon avec le titre We Will Return. C'était le remix de Infinity Inc. Enfin, la troisième et dernière sortie, on attend un nouveau titre avec impatience, tellement c'est bon. Il faut laisser la place aux autres également. Roisy Murphy avec Evil Eyes, le remix de Clapton. Numéro 20. Allez, on est parti tout de suite dans Lanterne Rouge avec cet ex-numéro 1 du Flycase. Voici Broken Fitch avec Tears. Ça perd 6 places cette semaine. We'll be right back. numéro 19. Forcément plein de souvenirs, les Sister Sledge, rappelez-vous, dans les années 70, fin des années 70, Is Greatest Dancer, avec un petit mix également de Funky Smith, The Ocean. Bah, c'était tout simplement les Me and My Tooth Bros, c'est une nouveauté, c'était d'entrée il y a 3 semaines, le titre Me and My Tooth Bros avec Gold Member, numéro 19, ça gagne une place, et numéro 20 juste auparavant, 6 places au moins pour Brock and Fitch avec Tears. Bienvenue, bon après-midi, c'est le Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. Flycase. Numéro 18. Flycase. Nouveauté. Rise to the top. I got to make it to the top. I keep on looking inside.

numéro 16. Les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 16 à l'instant. Ça perd 5 places. This is high. Ça sent le sapin. Hein. C'est à vous de voter pour redresser la situation. Facebook, Flykaze évidemment. Comme Simi, c'est le titre numéro 17 juste auparavant. C'était entré la semaine dernière. Ben Diley avec The Boy Is Mine, la version remixée par Mark Lower, est pointé numéro 18. C'était Eli Amador. C'était la première entrée pour cette semaine. Le titre s'appelle Rise et c'est un remix de Robosonic. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus que week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake it. Et ce soir sur Galaxy, puisque nous sommes samedi à partir de 20h, c'est Jérôme B. Vous allez retrouver 21h Franck Lido, à 22h Digitom, 6Mix, 23h Marty, minuit Digistorm et Cyclone, à partir de 1h Digigus, 2h Mark Lower, 7h c'est 3h, et puis à 4h pour clôturer cette soirée, ce sera Pierre Terry en mix, bien évidemment. Tout de suite, voici une petite proposition d'entrée pour la semaine prochaine. C'est le grand retour des Claude Van Strook. Rappelez-vous, le titre précédent est cartonné, un ex numéro 1. On lui souhaite autant de succès avec ce titre Mind Your Business. C'est une petite nouveauté, c'est à vous de voter sur Facebook Flycase. numéro 15. We have a face now. Flycase et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la 14e position. C'était la seconde entrée pour cette semaine. Il y en a 3 au total, je vous rappelle. C'était Lucas Debonair avec Keep This Party Rocking. Et juste auparavant, numéro 15, ça gagne 2 places cette semaine. C'était entre les semaines dernières. Sonny Fodera et Yasmine avec Feeling Good. Bon après-midi dans quelques instants. La position numéro 13, la position numéro 11. Flycase. Les 20 titres indispensables. Avec Olivier Curtis sur Galactique. Numéro 13. Numéro 12.

GalaxyFM.com. GalaxyFM.com. GalaxyFM.com. GalaxyFM.com, l'adresse web essentielle pour retrouver toute l'actu de la radio des tribus électroniques. Grille des programmes, actu des DJs, le classement Flycase, les événements à venir, les réseaux sociaux et surtout la possibilité d'écouter Galaxy en ligne où que tu sois. Où que tu sois. Tape www.galaxyfm.com et tu as un clic. Un clic. D'une grande claque. Étrangement pensé à un petit sample de Led Zeppelin, de David Bowie, je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Je prends ma acoustique à l'instant. C'est le nouveau, rappelez-vous, Raider, c'était le précédent qui avait cartonné dans le classement du Flycase. Eh bien, c'est le nouveau, ça s'appelle Pantir, comme dans Rabbi Jacob, la Pantir. Bon, restez avec nous en tous les cas dans quelques minutes, et eh bien, dans une petite dizaine de minutes, on aura des invitations pour le Kinépolis à vous offrir, pour le film de votre choix, dans une dizaine de minutes. Et puis, en attendant, il est 17h, voici le récapitulatif de la position numéro 20, la position numéro 11. Numéro 20. Allez, on y va, numéro 20 cette semaine. C'est Percy Place, Broken Fitch avec Tears. Numéro 19. Numéro 19. 19, un petit sample bien sympathique de la fin des années 70, Sister Sledge, Me and My Two Bros Gold Member, numéro 19, ça gagne une place. Numéro 18. Trois entrées cette semaine, la position numéro 18, c'est la première. Eddie Amador, le grand retour avec Raise, le remix de Robosonic. Numéro 17. Numéro 17, ça gagne une petite place par rapport à la semaine dernière. C'est des entrées d'ailleurs, la semaine dernière. Ben Dilley avec The Boy Is Mine, le remix de Mark Lower. Numéro 16. Ça perd 5 places et c'est l'une des plus grosses gamelles pour cette semaine. This Is I et Kerry Fox, le titre Come See Me, numéro 16. Numéro 15, c'est des étudiants entre les semaines dernières également, ça gagne deux petites places qui va doucement, va rapidement en tous les cas. Salut Fodera et Yasmine avec Feeling Good, pointé numéro 15. Numéro 14. C'est la seconde entrée pour cette semaine, Lucas Debonair avec Keep This Party Rocking, numéro 14. Ça c'est excellent également, hein. Toujours aussi beau Ulotus, malgré tout ça perd 3 places, ça quitte les 10 premiers. Ulotus et Anana Club avec Hush numéro 13. Numéro 12. 4 places de moins cette semaine, numéro 12, Alex Koffer, X numéro 1 avec Étienne de Crécy, Smile. Et enfin numéro 11, tout à fait déjanté ce titre, on adore, ça perd sa place, Polyester avec Katharina, numéro 11. Oh, yeah, oh, yeah. Numéro 10. Allez, dernière ligne droite avant de retrouver le nouveau numéro 1 pour cette semaine, voici la position numéro 10, Purple Disco Machine, yo. Scratchy noise, scratchy noise, yo baby, yo. Yo baby, yo. baby, yo, baby, yo, baby, yo. Yo, baby, yo, baby, yo, baby, yo. Yo, baby, yo, baby, yo, baby, yo, baby, yo. Yo, baby, yo, baby, yo, baby, yo, baby, yo. Yo, baby, yo, baby, yo, baby, yo, baby, yo. Et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h. Avec la position de mon 9, c'était Ramen Tapia et Yellow Submarine. Ça gagne 3 places et 4 places de moins juste auparavant pour Purple Disco Machine. C'était Yo. Et puis on vous en avait parlé tout à l'heure. Et bien nous avons des invitations tout de suite à vous offrir pour le Kinépolis, pour aller voir le film de votre choix, le Kinépolis à l'homme. Allez-y, on vous attend. Le 5e et le 10e appel des invitations, on vous attend. Les 20 titres qui te font bouger, c'est Flycase numéro 8.

Curtis. Je t'aime comme la vache de l'herbe. Numéro 6. Et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h. C'était la position numéro 6. À l'instant, une place moins pour Fred Everything avec Churching, le remix de D-Tron. Juste auparavant, c'était Jane Faris en nouveauté, pointé numéro 7 cette semaine. C'est une reprise, un vieux classique disco des années 70-79. Le groupe s'appelait Slick. Trois demoiselles qui interprétaient ce titre Space Breath. Et bien, ça vient d'être remixé par Jane Faris. Numéro 7 et numéro 8, Duke Demon avec Ocean Drive. C'était la position numéro 8. Et ça gagne 5 places. Et puis, concernant les places du Kinépolis tout à l'heure, eh bien, c'est Arnaud de Tourcoing qui est reparti avec ses places. Et également Catherine de Lers. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Et nous sommes samedi ce soir sur Galaxy à partir de 20h. C'est Jérôme Bay que vous allez retrouver avec le titre avec Party House. À 21h, Franck Lido avec Girly House Clubbing. Ça va pas aujourd'hui, on a mal dormi. 22h, Digitum avec Sismix. 23h, Marty. À minuit, Digistorm. 1h, Digigus. 2h, Mark Lower. 3h, 700 et à 4h, ce sera Pierre Terry pour clôturer cette soirée. Tout de suite, allez, on y va. Petite pause dans ce classement avec une nouveauté. Ça s'appelle Gershon Jackson. Et Sonny Federa, Take It Easy, le remix de Maggio. Sand, but My business. Dernière du classement de Flaky, c'était Daily Sosimi Afrobeat avec Too Much Information. Ça perd 3 places, c'est 2 places de mieux juste auparavant pour Kovari avec How Shall I Rise. Dans quelques instants, le podium de tête avec un nouveau numéro 1. Les 20 titres qui te font bouger. Numéro 3. Grande

électronique.